volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190€ par mois sans apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat final, 18 788,70€. Exemple d'offre Elo à 36 mois pour une Mini électrique édition Camden d'occasion, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 juin 2025 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pour contacter votre radio préférée, France Maghreb 2, rien de plus simple. Par courrier, écrivez à France Maghreb 2, boîte postale 15 75 967 Paris CEDEX 20. Vous pouvez également envoyer un mail à direction at francemaghreb2.fr. Vous pouvez aussi nous appeler par téléphone au 08 92 23 99 50 et nous joindre via tous nos réseaux sociaux France Maghreb 2 officiel. France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. Restons en contact. Leclerc, bonjour. Bonjour, merci pour votre promo sur les spaghettoni Barilla. Alors voici mon astuce pour les doser. Oui, dites-nous. Eh bien, c'est simple, une poignée par personne, et ensuite, on ajoute le reste du paquet. Super astuce. À tester avec le paquet de 500 grammes de spaghettoni Albronzo Barilla à moins 34%, soit 1,28€ du 11 au 22 mars pendant les super pouvoirs d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 2,56€ le kilo. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bonjour et bienvenue dans votre bulletin spécial météo des prix chez Jiffy. En ce moment, une vague de petits prix s'abat sur tout le rayon jardin. Aménagement, outillage, déco extérieur, les prix descendent très bas et atteignent des records. Avec notamment 5€ pour le fauteuil de jardin Viva ou encore 2,50€ seulement pour le sac de terreau de 50 litres. Les autres rayons ne seront pas en reste et profiteront également de prix très doux. Une tendance à la baisse des prix bien partie pour s'installer durablement chez Jiffy. Jiffy, c'est la baisse des prix. Offre valable en magasin jusqu'au 13 avril, ouvert même le dimanche. Il était une fois, au milieu de la forêt, des enfants qui découvrirent une maison en pain d'épices. Non mais, une maison en pain d'épices? C'est n'importe quoi. Ouais. Papa! Loulou, je le sais bien, je suis conseiller France Rénov. Mais je te raconte pas la déperdition thermique, l'absence totale de résistance à la compression. Avec des experts aussi passionnés, France Rénov est le point de départ pour bien démarrer votre rénovation énergétique. Rendez-vous sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat. France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. C'est Ramadan, rapprochez-vous de ce qui compte le plus. Avec MyEasy Transfer et Wafa Cash Tunisie, envoyez de l'argent à vos proches en toute sécurité. Des frais réduits et un taux de change imbattable. Depuis votre application mobile MyEasy Transfer, envoyez où que vous soyez en France et votre bénéficiaire récupère tout de suite l'argent dans l'agence Wafa Cash la plus proche dans toute la Tunisie. Simple, rapide et fiable. Téléchargez l'application dès maintenant et envoyez en toute confiance. MyEasy Transfer et Wafa Cash Tunisie vous disent à Haftoulkom. Deux verres d'eau, l'un clair, limpide, comme les valeurs qui nous guident. L'autre, opaque, trouble, comme ce qui manque de clarté. Ici, transparence, confiance, alignement avec ce qui compte pour vous. Là, incertitude, incohérence, éloignement de ce qui fait sens. D'un côté, l'éthique, la justesse, le respect de vos principes. De l'autre, ce qui ne vous ressemble pas. Choisir, c'est simple, comme un verre d'eau. Les Moon. Ensemble, bâtissons une finance juste. France Maghreb vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Karim wa kullu aam wa antum bi khayr. Antum fi al-istima' ila idha'at France al-Maghreb. Ramadan mubarak. Mustami'in al-afadhal, nastami'u khashi'in ila tilawat mubarakah li ayat adh-dhikr al-hakim. Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Vous êtes sur France Maghreb 2. Écoutons ensemble quelques versets du Saint-Coran. Allah dit, et lorsque le Coran est récité, prêtez attention et écoutez-le. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awa la ya'lamuna anna Allah ya'lamuna لم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما علينا ويكفرون بما وراءه صدق الله العظيم. حان الآن موعد أذان المغرب والإفطار حسب مدينة باريس وضواحيها. نرفع الآن على حضراتكم أذان المغرب والإفطار لمدينة باريس وما جاورها. تقبل الله صيام الجميع. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Karim wa kullu 'am wa antum bi khair. Il est l'heure pour les habitants de Paris et de sa région de la rupture du jeûne. Sahaf Tolkom. Allahu Akbar Allah الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة رفعنا على حضراتكم آذان المغرب والإفطار حسب التوقيت المحلي تقبل الله صيام الجميع بمزيد من الثواب والمغفرة اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت ورحمتك رجوت ومن عذابك أشفقت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم يا ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها شأننا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا في هذا الشهر المبارك العظيم وتعصمنا فيه وفي غيره من الأيام من كل سوء يا أرحم الراحمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله تنزهت ذاته وتقدست صفاته وتباركت أسماؤه لا إله غيره لا إله إلا الله. Deux verres d'eau, l'un clair, limpide, comme les valeurs qui nous guident. L'autre, opaque, trouble, comme ce qui manque de clarté. Ici, transparence, confiance, alignement avec ce qui compte pour vous. Là, incertitude, incohérence, éloignement de ce qui fait sens. D'un côté, l'éthique, la justesse, le respect de vos principes. De l'autre, ce qui ne vous ressemble pas. Choisir, c'est simple, comme un verre d'eau. Les Moon. Ensemble, bâtissons une finance juste. C'est Ramadan, rapprochez-vous de ce qui compte le plus. Avec MyEasy Transfer et Wafa Cash Tunisie, envoyez de l'argent à vos proches en toute sécurité. Des frais réduits et un taux de change imbattable. Depuis votre application mobile MyEasy Transfer, envoyez où que vous soyez en France et votre bénéficiaire récupère tout de suite l'argent dans l'agence Wafa Cash la plus proche dans toute la Tunisie. Simple, rapide et fiable. Téléchargez l'application dès maintenant et envoyez en toute confiance. MyEasy Transfer et Wafa Cash Tunisie vous souhaite un bon iftar. Bonsoir à toutes et à tous. Pour le Premier ministre britannique, le 8 mai de la Russie n'est pas suffisant. Réaction de Keir Starmer à l'issue du sommet en visioconférence sur la paix en Ukraine ce matin. L'Europe doit agir en conjonction avec les États-Unis pour assurer une paix juste et durable en Ukraine, selon lui. De son côté, Emmanuel Macron estime que Moscou ne donne pas l'impression de vouloir la paix, sincèrement. Fin de citation. La criminalité organisée menace nos institutions. Son éradication doit être une cause nationale. Les mots de Bruno Retailleau dans un entretien au journal Le Parisien, alors que lundi, les députés vont examiner le texte de loi sur le narcotrafic. Les propos du ministre de l'Intérieur font réagir. Bruno Retailleau menace également de démissionner lorsqu'il évoquait l'expulsion des ressortissants algériens vers leur pays durant l'interview. Si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment que je le refuserais. Sur les réseaux sociaux, certains élus d'extrême droite appellent le locataire de la place Beauvau à rejoindre le RN. L'Allier n'est plus en vigilance neige-verglas. La Creuse et le Puy-de-Dôme reste en orange selon le dernier bulletin Météo France. En altitude, il est tombé jusqu'à 15 cm de poudreuse ces dernières heures. Aux États-Unis, des tornades meurtrières depuis hier. Un dernier bilan fait état d'au moins 14 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'état le plus touché est celui du Missouri, dans le centre du pays, avec 11 morts. Des policiers attaqués devant un commissariat de Cannes. À la mi-journée, un Marocain de 21 ans, sous obligation de quitter le territoire, a tenté d'agresser des gardiens de la paix à l'arme blanche. L'homme a été maîtrisé rapidement, il est en garde à vue. Le soulagement pour la famille du jeune Hiro, l'adolescent de 15 ans, a été retrouvé à Pau. Il est en bonne santé. Enfin, la dernière journée du tournoi des Six Nations. Ce soir, le 15 de France rencontre le 15 du Chardon au Stade de France. Une victoire sans passer par le grand chelem, peut-être pour les Bleus. C'est à suivre à 21h. À noter que pendant la mi-temps, la chanteuse Louane dévoilera le titre qui représentera la France à l'Eurovision cette année. Bon week-end à tous. France Maghreb 2. France Maghreb 2. La radio du vivre et du faire ensemble. عليه السلام يا سلام صلي صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله الله الله واش عليا مني نقلق من رزقي لاش لاش والخلق يرزقني أنا مالي فياش واش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخلق يرزقني الله الله الله الله وانا ما في قلبي غير الله الأرحام صورني من نطفة وبدالي في الانعام نعمة من كل صفا وخلق لي ما مطعام ونعايم مختلفة ونزلت من غير قماش غطاني واسترني الله الله الله الله ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله فإنك لله راجع ماذا بعلم الله الخيرات الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني الله الله الله الله وانا ما غير الله اللهم صلي علي وعلى آلي صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام لا تقصد إلا الله في سرك والإعلان واعلم بأن الله حاضر في كل مكان ولا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفيها من الغشاش إلى كنت الطواني الله الله الله الله محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام عليه السلام عليه السلام وعليه السلام Celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. Avec l'ONG Muslim Hands, transformez le ramadan en un mois de lumière et de partage. Pour 100 euros, offrez un colis alimentaire à une famille, leur permettant de rompre le jeûne chaque soir de ce mois béni. Des milliers de foyers en France et dans le monde comptent sur votre générosité pour vivre un ramadan digne. Agissez maintenant avec Muslim Hands. Faites un don sur muslimhands.fr ou 01 49 48 05 05. Muslim Hands, parce qu'un simple geste peut changer une vie. Et tout commence avec vous. Pour réussir un délicieux repas samia, fine ou moyenne, commencez par la semoule. Faites revenir un chouïa d'épices, partagez un chouïa de secret jusque-là bien gardé. C'est prêt, servez les invités avec beaucoup de générosité. Retrouvez tous les produits samia dans votre épicerie et vos supermarchés. Samia, encore un chouïa. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Depuis bientôt 35 ans, le Secours Islamique France agit aux côtés des plus vulnérables. Victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, orphelins, personnes sans abri, réfugiés ou déplacés, familles démunies. Le CIF s'est donné pour mission de leur venir en aide pendant Ramadan et tout au long de l'année. En France et dans près de 20 autres pays, nos équipes transforment vos dons en actions. Pour agir à nos côtés, faites un don sur secours-islamique.org ou au 01 60 14 14 14. Le Secours Islamique France est labellisé par le don en confiance. BMW. 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390 euros par mois. Offre pour BMW iX1 20 M Sport, LLD 48 mois 40 000 km. Premier loyer 390 euros après déduction bonus écologique de 2000 euros. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 avril 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur BMW.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pendant l'anniversaire immanquable Triba, du 6 au 16 mars, la pose est offerte sur vos fenêtres, portes et pergolas fabriquées en France. Rendez-vous dans l'un de nos 300 espaces conseils. Triba, bienvenue dans l'habitat de demain. Conditions détaillées en magasin ou sur triba.com. Vous écoutez France Maghreb 2. France Maghreb 2. En FM, en DAB+, sur francemaghreb2.fr et sur l'appli Apple Store et Google Play France Maghreb 2. France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault Austral Full Hybrid E-Tech, jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et jusqu'à 40% d'économie de carburant à partir de 370 euros par mois. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 mars, 2 mois de loyer offert. Selon version et conduite, économie versus moteur permique, Austral Full Hybrid E-Tech 200 euros option, LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer 4 500 euros, troisième et quatrième loyer offert, si accordiaque, offre à particulier du 1er au 31 mars, conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. C'est quelqu'un qui vit dans la région, votre région. Peut-être même près de chez vous, et que vous avez sans doute déjà croisé dans le quartier. Quelqu'un qui peut aussi bien vous parler travaux que prévention ou climat local, et qui sait comment protéger au mieux votre logement. Ce quelqu'un, c'est votre assureur Gann Assurance. Et lorsqu'il vous parle d'assurance habitation, il sait exactement de quoi il vous parle. Gann Assurance, votre assureur, c'est quelqu'un. Et en ce moment, profitez de 2 mois offerts sur votre assurance habitation Gann. Offre valable jusqu'au 17 mai 2025, voire conditions en agence et sur Gann.fr. Prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190 euros par mois sans apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat final, 18 788,70 euros. Exemple d'offre Elo à 36 mois pour une Mini électrique édition Camden d'occasion, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 juin 2025 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Leclerc, bonjour. Bonjour, merci pour votre promo sur les spaghettoni Barilla. Alors voici mon astuce pour les doser. Oui, dites-nous. Eh bien, c'est simple, une poignée par personne, et ensuite, on ajoute le reste du paquet. Super astuce. À tester avec le paquet de 500 grammes de spaghettoni Albronzo Barilla à moins 34%, soit 1,28 euros du 11 au 22 mars pendant les super pouvoirs d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 2,56 euros le kilo. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour et bienvenue dans votre bulletin spécial météo des prix chez Jiffy. En ce moment, une vague de petits prix s'abat sur tout le rayon jardin. Aménagement, outillage, déco extérieur, les prix descendent très bas et atteignent des records. Avec notamment 5 euros pour le fauteuil de jardin Viva ou encore 2,50 euros seulement pour le sac de terreau de 50 litres. Les autres rayons ne seront pas en reste et profiteront également de prix très doux. Une tendance à la baisse des prix bien partie pour s'installer durablement chez Jiffy. Jiffy, c'est la baisse des prix. Offre valable en magasin jusqu'au 13 avril, ouvert même le dimanche. France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. France Maghreb 2 vous présente Mon Ramadan à votre service, le chemin du bien. Tariq ul Khair. Une émission en partenariat avec Muslimens France. Mon Ramadan à votre service, le chemin du bien, présenté par Lazard Draja et le docteur Ahmed Jaballa. Bon Ramadan. Ramadan Karim, wa kullu aam wa antum bi khair. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers auditrices, auditeurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hissatana, hissat tariq al khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli al khair, ya rabbil alamin. Comme vous voyez, chers auditrices, auditeurs, le temps passe très vite. Nous avons déjà dépasser la moitié de ce mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala intaqabbal minna wa minkum. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne et nos efforts pendant ce mois béni de Ramadan. Donc il nous reste beaucoup de choses à faire, bien entendu, qui est tout simplement demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et surtout lui demander d'accepter nos jeûnes, nos prières, nos sadaqas et nos efforts pendant ce mois béni de Ramadan. Et bien entendu, il nous reste, je dirais, à peu près la moitié de ce qu'on a jeûné. Et pour cela, je vous conseille, chers auditrices, auditeurs, de faire davantage d'efforts pendant ces jours qui restent, car le temps passe très vite. On l'a répété à maintes fois que le Ramadan, je le compare à une batterie qu'on recharge, les batteries de nos téléphones. Et bien, la batterie de notre spiritualité annuelle, elle se recharge pendant ce mois béni de Ramadan. Donc en ma présence, le docteur Ahmed Jaballa, donc on va parler justement de la belle récompense pendant ce mois béni de Ramadan, car lorsque on fait quelque chose de bien, et bien tout simplement on est récompensé. Justement, c'est un mois béni, et justement quelle est justement la récompense que nous espérons, bien entendu. Tafaddal mashkour docteur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يبارك لنا في هذه الأيام الفاضلة الكريمة وأن يرزقنا حسن القبول. La récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée pour les croyants, pour toutes les bonnes œuvres qu'ils ont pu accomplir, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous inciter à faire le bien. Et c'est une incitation parmi d'autres, parce que le croyant, il est tout d'abord redevable à Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses bienfaits. Et s'il fait des actes d'adoration, des actes de bienfaisance, c'est entre autres pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, bien que l'adoration c'est un devoir que nous devons vis-à-vis de Dieu, le Créateur, le Bienfaiteur, mais par sa miséricorde, il va nous récompenser. C'est-à-dire, il te prescrit une obligation, tu le fais, c'est une obligation, tu le fais dans ton intérêt, parce que c'est l'intérêt de l'homme qui est recherché à travers tout ça, mais en même temps, par sa miséricorde, il va te récompenser avec les plus belles récompenses de tout ce bien que tu as fait. Et là, c'est une forme d'incitation, c'est un moyen d'incitation qui va nous inciter pour faire le bien et pour faire, comme on dit, at-tijara ma Allah subhanahu wa ta'ala, le commerce béni avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, lorsqu'ils ont les moyens, ils font le commerce, ils essaient toujours de trouver tous les voies pour fructifier leur bien, etc., au maximum. Et le croyant également, il cherche ça pour l'au-delà, parce que ce qui va servir à l'homme, ce qui va être utile pour lui, c'est effectivement l'amal salih et la belle récompense que Dieu va nous réserver. Enfin, nasallahu subhanahu wa ta'ala an يجزينا عن أعمالنا خير الجزاء. آمين آمين إن شاء الله. Et là, je rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on parle de la récompense, la belle récompense du jeûneur. C'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit الصائمي فرحتان. الصائمي فرحتان. Pour le jeûneur, il y a deux joies. Et cette joie, c'est une récompense en soi. Et les deux joies, il dit الصائمي فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه. Le jeûneur, il a deux joies. La première des joies, c'est ici-bas, dans la vie d'ici-bas, à l'heure où il va rompre son jeûne. Et chaque jour, on sait bien que le moment de la rupture du jeûne, c'est un moment tout à fait important, un moment de joie, effectivement. Je rappelle juste, docteur, que nous offrons à Muslim Hand des iftars à travers le monde. Vous pouvez, chers auditrices, auditeurs, aussi offrir un iftar pour des jeûneurs à travers le monde. C'était juste un rappel. Oui. C'est-à-dire, la première joie, c'est une joie que nous retrouvons tous les soirs à l'heure de la rupture du jeûne, qui se fait d'habitude en famille, en groupe, etc. Très convivial. Voilà, convivial. Et c'est important dans le sens aussi que on est content de notre effort, hein, de jeûner toute cette journée. Hein, parfois des jours qui sont un peu lents. Et malgré tout, avec la volonté, avec l'aide de Dieu, on arrive, alhamdoulilah, à jeûner toute cette journée et à respecter toutes les règles que nous devons respecter pour notre jeûne. Et cette joie, elle est aussi dans ce sens-là. La joie de retrouver sa nourriture, sa boisson, bon, c'est tout à fait normal, mais aussi la joie d'accomplir, la joie de réussite. T'as quand même réalisé un exploit. Hein, de jeûner un jour. Et chaque jour, c'est comme ça. Et bien sûr, la grande joie va être à la fin du mois, lorsque nous allons quitter le mois de Ramadan, fêter l'Eid. Il y a également cette joie de dire que, voilà, Dieu m'a aidé d'accomplir le jeûne tout le long de ce mois. C'est un exploit, alhamdoulilah. J'ai réussi dans cet examen, dans cet effort. Et la deuxième joie, elle est encore plus importante. Il a dit وإذا لقي ربه فرح بصومه. Lorsque il va à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, il va être heureux, content, satisfait de sa jeûne, de son jeûne, pardon. C'est-à-dire, alors, cette double joie, c'est une récompense en soi. Et là, c'est très important, cette notion de joie, lorsque on est à la fin d'une réalisation. C'est-à-dire, on va goûter un petit peu, hein, le sens de la réussite, le sens de l'exploit. Et c'est très important. Je rajouterai une autre joie qui est très importante, docteur. C'est que au paradis, il y a aussi 8 portes. Et en même temps, justement, à Afwan, il y a une porte, bien sûr, du jeûneur. Il y a trop loin. Il a ça, immonde. Donc voilà, je voulais juste rajouter cela, docteur, qui me tient à cœur aussi, parce que Allah mujahidna iyak, inshallah, qu'on rentrera par cette porte des jeûneurs aussi. Voilà. Justement, c'est le hadith. Effectivement, tu l'as bien introduit, que j'allais citer. Non, mais c'est bien, ça montre bien qu'on est dans une continuité, alhamdoulilah, sur ces sujets. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, c'est un hadith, effectivement, que l'imam al-Bukhari l'a rapporté. Il dit « Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan ». Yani, parmi les 8 portes du paradis, il y a une porte qui s'appelle « Rayyan ». Ou « Rayyan », ça vient de « Ray », c'est le fait de boire et d'être rafraîchi par une boisson après avoir été soif, avoir la soif. On est rafraîchi par la boisson, c'est « Ray ». Et c'est en relation avec le jeûne, certainement, parce que le jeûneur, il va se priver pendant la journée du jeûne de sa boisson. Et cette porte s'appelle Ar-Rayyan. Alors il dit, cette porte, يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. C'est une porte qui est exclusivement réservée aux jeûneurs. Personne d'autre que le jeûneur qui vont rentrer par cette porte. قال يقال, c'est-à-dire on va faire un appel le jour du jugement. أيها أين الصائمون أين الصائمون où sont-ils les jeûneurs أي فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. Ils vont se lever, les jeûneurs, ils seront les seuls qui ont droit de rentrer dans le paradis par cette porte-là. Et là, on voit bien, tout d'abord, la récompense par le paradis. Hein, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce qu'un croyant peut espérer mieux que le paradis, hein, il n'y a pas mieux, parce que le Coran nous a parlé de tout. Les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va accorder aux croyants dans le paradis. Et deuxièmement, cette récompense, elle vient d'une manière qui donne un privilège aux jeûneurs. C'est-à-dire, ils sont quand même traités d'une manière spécifique pour reconnaître effectivement le sens de l'exploit, le sens de ce jeûne qu'ils ont fait pour Dieu. Car rappelons-nous que le jeûne, c'est l'adoration par excellence, où la relation est intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, où le croyant le fait forcément, je dirais, par la sincérité, comme il est dit dans le hadith al-Qudusi, as-sawmu li wa ana azzi bihi. Si tu l'as fait, tu l'as fait pour Dieu. Car personne ne peut juger de ton jeûne, peut vérifier si tu es en état de jeûne ou pas, c'est seul Dieu qui le sait, et c'est pour ça que Saum, il a effectivement cette grande place et mérite effectivement cette grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée aux croyants. Et je dirais, à kulli hal, la récompense, c'est quelque chose qui incite, comme on a dit tout à l'heure, mais ce qui va nous pousser, nous encourager aussi à faire le bien d'une manière générale, c'est notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va nous mettre en mérite de recevoir la miséricorde de Dieu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, « La yadkhulu al-jannata ahadukum bi'amalih » qu'une personne ne peut prétendre rentrer dans le paradis, c'est-à-dire avoir la récompense, la grande récompense du paradis, grâce à ses actions. C'est-à-dire, c'est pas vraiment quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai fait tout, écoute, je mérite d'avoir mon passeport au paradis. » Pourquoi ? Parce que si on essaie de comparer notre adoration, ce que nous faisons, avec le devoir de remerciement de Dieu pour ses bienfaits, on ne peut pas atteindre justement le degré de remerciement, al-hamd wa shukr, la reconnaissance, qui va en quelque sorte être équivalente aux quantités de bienfaits que Dieu nous a donnés. Et le prophète, il a dit, personne ne peut prétendre ça. Et on dit, on a demandé au prophète, « Wala anta ya Rasulallah, même vous, vous ne pouvez pas prétendre que vous aurez le paradis grâce à vos actions. » On sait bien que le prophète, ce qu'il faisait comme effort dans le chemin de Dieu, il a dit « Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. » Même moi, je ne peux pas prétendre ça. Je ne peux pas prétendre que j'aurai sûrement le paradis parce que j'ai fait du bien. Sauf si Dieu me couvre de sa miséricorde. C'est par la miséricorde de Dieu que nous méritons le paradis. Mais attention, il faut bien comprendre ce hadith, parce que il y a des gens peut-être qui vont dire, puisque l'action, la belle action, n'amène pas au paradis sûrement et certainement, alors de quoi sert de faire ce bien-là? C'est la miséricorde de Dieu. Demandons que Dieu nous donne la miséricorde. Non, parce que les savants, ils l'ont dit, la miséricorde de Dieu, il faut la mériter. Et pour la mériter, il faut être dans la bonne action. C'est-à-dire, c'est quand même lié, mais c'est pour dire qu'on ne peut pas établir l'équivalence entre la bonne action qu'on fait et la récompense qu'on demande à Dieu, et en considérant que voilà, c'est quelque chose que nous avons mérité, parce que, oui, mais c'est la miséricorde de Dieu tout d'abord, mais pour l'avoir, il faut la mériter. Pour la mériter, il faut faire preuve d'adoration, preuve d'aller sur le chemin de bien, preuve d'effort dans les bonnes œuvres. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il va donner toute la belle récompense, inshallah. Donc, bien entendu, docteur, car tout le monde espère, et nous tous, on espère aller au paradis, inshallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, la première des choses, c'est qu'on demande à Dieu d'accepter tout ce qu'on fait, car on revient toujours à l'invocation d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter nos œuvres. Et c'est ça le plus important. Bien sûr, chacun de nous espère être, je dirais, fait jannat al-firdaus. Allahumma ja'alna wa iyyakum comme chers auditeurs et solitaires, ma al-habib al-mustafa, avec notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, yani yarzuqna sharbat yani min hawd al-rasul alayhi salatu wa salam, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder justement une gorgée d'eau de ce lac qui est prévu pour le prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est ça qu'on a besoin tous, chers auditeurs et solitaires, c'est tout simplement espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, les chemins sont multiples. Là, on en a parlé justement de la récompense. Et bien sûr, un de notre plus grand souhait, c'est tout simplement aller au paradis. Et bien entendu aussi rentrer par cette porte qui est prévue, inshallah, pour les jeûneurs que nous sommes. Et là, je reviens un petit peu aussi, docteur, aux invocations qui sont faites par les nécessiteux à travers le monde. Car, sachant que lorsque vous allez nourrir un nécessiteux, lorsque vous allez offrir de l'eau à une population qui n'a pas d'eau, récemment nous avons été, puisque nous avons envoyé une équipe au Sénégal, il y avait les terrains qu'ils étaient asséchés, et le même terrain, après avoir construit un puits, c'est tout simplement une autre vie. C'est pour cela on dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, et tout a été créé à base d'eau. C'est ça le plus important. Tout a été créé à base d'eau. Donc je reviens un petit peu, docteur, il ne nous reste pas beaucoup de temps, juste sur le nécessiteux, le bénéficiaire, lorsqu'il invoque justement son invocation envers le donateur. Tout à fait, c'est important. Et d'ailleurs, parmi les invocations qui sont agréées, Dua bidhahr al-ghayb. Dua bidhahr al-ghayb, ça veut dire que quelqu'un que tu ne connais pas nécessairement, il a fait un bien pour toi, tu fais invocation pour lui. Tous ces bénéficiaires qui vont, alhamdoulilah, profiter des aides qui vont être acheminées pour eux, lorsqu'ils font un dua, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui étaient à l'origine, à la base de ce khayr, de ce bienfait, de ces bonnes œuvres, leur invocation, alhamdoulilah, va être une invocation agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a fait sincèrement, il n'a rien encore à attendre de lui, il ne le connaît pas personnellement, mais il voit le fruit de ses bonnes œuvres. Et j'ajoute, par rapport justement à la belle récompense, qui est le paradis, et il n'y a pas mieux justement pour tout croyant, c'est vraiment l'ultime espoir et finalité qu'il cherche un croyant, c'est d'être dans le paradis. Mais le prophète il nous a dit idha sa'altum Allah, et ça renforce l'idée que demander la récompense, c'est par miséricorde de Dieu, il faut le mériter. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. Si vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-lui le degré le plus haut dans le paradis, qui est الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة ويرزقنا الفردوس وأن يوفقنا لكل عمل صالح في هذا الشهر الكريم. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Barakallahu fik, docteur, pour ces belles paroles. Et je vous souhaite